fait chier cet internet en ce moment, putain. Benji, synchronisé là. Ouais, merci. Pourquoi il marche plus? Ouais, j'ai trouvé un son qui me plaît bien en fait sur Thank you. Ah bah je l'ai perdu. Comment on fait déjà? Il y a tellement de sons là-dessus, putain. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. J'aime bien la note. Années 80. C'est quoi que t'as fait tout à l'heure là? T'as fait un truc, c'était joli le petit truc là. Ouais, ouais. C'est bien ce que c'est. Du AC30. chanteur, hein. Ah oui, moi oh, j'arrête. J'adore celui-là, là. One May MC. One May MC. Quand j'ai de la latence. Gratifier. Ça c'est quoi ça, c'est pareil.